Adieu l'ami, faut se quitter, car tout s'arrête avec l'été, l'ami. Les feuilles sont tombées sur les routes gelées, l'ami. Sur les chemins pavés de fêtes, mouillés de vin, l'ami, nos chansons nous disaient que cela durerait la vie. Chante sans nous, il chante encore nos 400 coups, l'ami. Si un jour il se tait, c'est qu'on aura changé, l'ami.